Nous sommes les glaneurs, les perles des souvenirs épars amassés par les mémographes que nous sommes. Ces bribes d'égrégores sont le miel de nos vies. Nous sommes les glaneurs. La forêt enfouit ses racines en nos âmes. Inlassablement, elle puise en nous et dérobe les trésors du temps jadis. Par nos rituels, nous extirpons cette souillure et nous luttons et brisons la chape de silence, le poids de l'oubli qui pèse sur nos communautés éparses. Nous fouaillons les entrailles de dégringolade. Dans la moiteur écrasante de la mangrove qui la recouvre, tel un linceul, nous cultivons ses graines, ses sœurs, et nous moissonnons les fruits de l'âge d'or. Nous sommes la mémoire des hommes. Nous sommes les glaneurs. Méticuleusement, méthodiquement, nous récoltons les objets mémoriels que Forêt a entrepris d'ingérer. Nous les exhumons, les pièges à lumière, les cellules solaires, les sculptures, tous les artefacts de l'homme habile qui fut avant le grand effondrement. Chacune de nos découvertes enrichit notre sanctuaire qui assurera notre devenir. Les antennes, sentinelles sous les étoiles innombrables, sont le relais de nos chants avides. Ce sont là les premiers temps, les vagissements de l'enfant que nous portons tous en nous en devenir. La lente dégradation inéluctable de dégringolade est le terreau fertile dans lequel les glaneurs de demain sèmeront les graines d'un homme nouveau. Tout connaître et tout retenir, notre radicale perspective d'avenir élimine l'oubli. Nous sommes les glaneurs. Je sais ce que nous fûmes jadis. Je sais ce que je suis. Je sais ce que nous serons. Ma voix est sereine, mon verbe est ardent, mon savoir est dru, je suis un glaneur. Nous sommes légion, une cohorte à la force implacable. Nous sommes déluge, un flot inaltérable de savoir. Nous sommes conviction, enracinée dans la connaissance. Nous sommes les glaneurs. Nos opérateurs radio veillent le flux des antennes qui repoussent les grégores. Nos maîtres cartographes dessinent les centres veines des ruines. Nos bûcherons endiguent la voracité de forêt. Nos régulateurs éliminent les nuisibles, dégénérés et autres hors-là. Nos antiquaires dispensent le savoir et dissipent l'oubli. Nos docteurs concoctent les préparations tombeaux de l'emprise. Nous sommes les glaneurs.